Néhémie chapitre 5. Or il y eut un grand cri du peuple et de leurs femmes, contre les Juifs, leurs frères. Car il y en avait qui disaient, plusieurs d'entre eux nous engagent leurs fils et leurs filles pour prendre du froment, afin que nous mangions, et que nous vivions. Et il y en avait d'autres qui disaient, nous engageons nos champs, et nos vignes, et nos maisons, pour prendre du froment contre la famine. Il y en avait aussi qui disaient, nous empruntons de l'argent pour la taille du roi, sur nos champs et sur nos vignes. Toutefois notre chair est comme la chair de nos frères, et nos fils sont comme leurs fils, et voici, nous assujettissons nos fils et nos filles pour être esclaves, et quelques-unes de nos filles sont déjà assujetties, et ne sont plus en notre pouvoir, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Or je fus fort en colère quand j'eus entendu leurs cris et ces paroles-là. Et je consultai en moi-même, puis je censurai les principaux et les magistrats, et je leur dis, vous exigez rigoureusement ce que chacun de vous a imposé à son frère. Et je fis convoquer contre eux la grande assemblée. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères juifs, qui avaient été vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, ou nous seraient-ils vendus? Alors ils se turent, et ne surent que dire. Et je dis, vous ne faites pas bien. Ne voulez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, plutôt que d'être en opprobre aux nations qui sont nos ennemis? Nous pourrions aussi exiger de l'argent et du froment, moi, mes frères, et mes serviteurs, mais quittons-leur, je vous prie, cette dette. Rendez-leur, je vous prie, aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et outre cela, le centième de l'argent, du froment, du vin et de l'huile que vous exigez d'eux. Et ils répondirent, nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs, et je les fis jurer entre leurs mains qu'ils le feraient ainsi. Et je secouai mon sein, et je dis, que Dieu secoue ainsi de sa maison et de son travail tout homme, qu'il n'aura point mis en effet cette parole, et qu'il soit ainsi secoué et vidé. Et toute l'assemblée répondit, Amen. Et ils louèrent l'Éternel, et le peuple fit selon cette parole-là. Et même, depuis le jour auquel le roi m'avait commandé d'être leur gouverneur au pays de Juda, qui est depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, l'espace de 12 ans, moi et mes frères, nous n'avons point pris ce qui était assigné au gouverneur pour son plat. Quoique les premiers gouverneurs qui avaient été avant moi, eussent chargé le peuple, et eussent pris d'eux du pain et du vin, outre 40 sicles d'argent, et qu'aussi leurs serviteurs eussent dominé sur le peuple, mais je n'ai point fait ainsi, à cause de la crainte de mon Dieu. Et même j'ai réparé une partie de cette muraille, et nous n'avons point acheté de champs, et tous mes serviteurs ont été assemblés là après le travail. Et, outre cela, les Juifs et les magistrats, au nombre de 150 hommes, et ceux qui venaient vers nous des nations qui étaient autour de nous, étaient à ma table. Et ce qu'on apprêtait chaque jour, était un bœuf et 6 moutons choisis, on m'apprêtait aussi des volailles, et de 10 en 10 jours on me présentait de toutes sortes de vins en abondance, et, nonobstant tout cela, je n'ai point demandé le plat qui était assigné au gouverneur, car c'eût été une rude servitude pour ce peuple. Ô mon Dieu, souviens-toi de moi en bien, selon tout ce que j'ai fait pour ce peuple.